Il faut que j'arrête de me plaindre, y'a tellement pire en ce bas monde, des malheurs y'en a plein. Des coups j'en ai pris mais j'suis pas mort, il faut que j'arrête de me plaindre. Faut prendre sa chance, on est des hommes, intransigeants avec moi-même et tolérants avec les autres. Il faut que j'arrête de me plaindre, y'a tellement pire en ce bas monde, des malheurs y'en a plein. Des coups j'en ai pris mais j'suis pas mort, il faut que j'arrête de me plaindre. Chez moi tout le monde mange à sa faim, quand ça va pas j'me plainte. L'amour c'est rien, ça va, ça vient. Alors maintenant je m'accroche à la lumière quand les nuages sortent et je ne regrette même plus qu'on ait passé tant de nuits ensemble. Même si notre amour est éteint et par toutes sortes de nuances sombres, tu semblais draper dans ton orgueil mais tu étais nu en dessous. Un jeune de l'entourage est mort, j'ai pleuré dans une synagogue. Et si nos corps périssent, il nous reste que l'amour. Sinon quoi, hein, dans le cœur quelques signes encore me disaient jette-toi dans tes rêves et mets tous les MC d'accord. Chez nous l'objectif avec la ZIC c'est choquer les siens. Et les rêves c'est comme les classiques, c'est chacun les siens. La musique me fait décoller loin mais quelle étrange fusée. Ma copine me fait des sourires pendant qu'elle est transfusée. Il faut que j'arrête de me plaindre, y'a tellement pire en ce bas monde, des malheurs y'en a plein. Des coups j'en ai pris mais j'suis pas mort, il faut que j'arrête de me plaindre. Faut prendre sa chance, on est des hommes, intransigeants avec moi-même et tolérants avec les autres. Il faut que j'arrête de me plaindre, y'a tellement pire en ce bas monde, des malheurs y'en a plein. Des coups j'en ai pris mais j'suis pas mort, il faut que j'arrête de me plaindre. Chez moi tout le monde mange à sa faim, quand ça va pas j'me plainte. L'amour c'est rien, ça va, ça vient. Ma deuxième maman fait des câlins au parfum de lilas. Et même ses galères les plus graves finissent par hamdoulilah. Elle dit qu'il faut avoir une foi vaillante et s'aimer très fort. Elle me voyait gratter toute la nuit croyant que je faisais mes devoirs. Eh mon pote, parti trop tôt, j'aurais aimé te voir. Partir en tournée avec nous, je t'aurais traîné de force. Mais Dieu en a voulu autrement et fallait que j'accepte. Chaque peine que je traverse est une étape à laquelle j'accède. Qu'importe les sentiers qu'on prend, les destins sont accomplis. Il faut prendre soin de tes complices, c'est pour la santé compris. On m'a dit que ça servait à rien de parler de ses problèmes, mais moi je sais ce que c'est d'écouter du rap et sentir compris. Il faut que j'arrête de me plaindre, y'a tellement pire en ce bas monde, des malheurs y'en a plein. Des coups j'en ai pris mais j'suis pas mort, il faut que j'arrête de me plaindre. Faut prendre sa chance, on est des hommes, intransigeants avec moi-même et tolérants avec les autres. Il faut que j'arrête de me plaindre, y'a tellement pire en ce bas monde, des malheurs y'en a plein. Des coups j'en ai pris mais j'suis pas mort, il faut que j'arrête de me plaindre. Chez moi tout le monde mange à sa faim, quand ça va pas j'me plainte. L'amour c'est rien, ça va, ça vient. J'vis dans un monde qui sert du droit pour t'humilier. Un monde où tu dois même payer pour construire ta tombe. Là je suis en procès et on me demande 3000 lits. Tu veux quoi, que je le multiplie par 3 et que je me le colle sur la tempe? Non, non, non, j'ai juré de jamais me justifier. Non, non, je sais que le ciel est juste alors le geste est fier. Non, non, non, fais ce que t'as à faire, moi je m'en fous, dis. J'ai ramené tous mes frères sur le mont Fuji. Y'a quelques années je dormais dans les escaliers seul. Je représente mon escroc jusqu'au linceul. Thank you.